Pour ouvrir la cuisine sur le salon, il faut abattre une cloison. Vous trouvez un artisan qualifié ? La solution, c'est pas compliqué, c'est easy. Prendre rendez-vous en ligne avec un artisan qualifié pour des travaux réussis, c'est simple, c'est easy. Easy by EDF. Informations et conditions sur easy.edf.fr. Les travaux réussis, c'est simple, c'est easy. La tragédie de juin 1940, 4 juin, Churchill tient bon. We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. L'ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Churchill fait l'objet d'un dictionnaire admirable publié chez Perrin et dont l'auteur est en ligne depuis sa bonne ville de Mont-Saint-Aignan. Bonjour Antoine Capet. Bonjour Antoine Capet. Bonjour. Alors, il y a un petit peu d'écho, mais c'est normal. Je veux remercier Madame Capet. Madame Capet, c'est un nom toujours très important dans la marche de l'histoire qui a permis l'installation de Reportit, le logiciel qui devrait rendre lisse notre conversation. C'est un dictionnaire si admirable que bientôt, il va connaître une version anglaise, Antoine Capet. Il suffit que Perrin, l'éditeur, signe et puis voilà, vous allez faire l'objet d'une édition en anglais. Et Dieu sait si les livres sur Churchill sont innombrables en Angleterre. Bah oui, je l'espère, mais c'est pas seulement en Angleterre, c'est que ça se vend encore mieux aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne. Donc vous voyez, le marché est vaste. Et dire que Churchill était encore impopulaire fin 39, la déclaration de guerre va le voir entrer comme premier l'ordre de l'amirauté dans le cabinet Chamberlain, un cabinet qui au départ n'est pas extrêmement belliqueux, mais lui, à son poste, il déborde d'ailleurs sur tous les autres ministères en donnant des conseils aux uns et aux autres, il fait preuve de la plus grande détermination à la tête de sa marine. Oui, bah évidemment, parce que l'armée britannique est quasiment impuissante de toute façon du point de vue de ses effectifs. Et comme vous le savez, on parle de la drôle de guerre, c'est-à-dire que il se passe rien sur Terre. Donc comme Churchill est un excité, il faut bien qu'il dépense son énergie quelque part. Donc il va y avoir des grandes batailles navales, dont la plus connue, la bataille du Rio de la Plata, où la Grande-Bretagne triomphante se force l'escadre allemande à se saborder. En mars, Paul Reynaud devient à Paris président du Conseil. Il se rend très vite à Londres et de Chamberlain, au cabinet duquel appartient Churchill, il obtient un accord, l'accord du 27 mars. Il n'y aura pas de paix séparée. L'Angleterre et la France marcheront du même pas. C'est l'espoir que Churchill a avec Paul Reynaud. Et puis Churchill arrive au pouvoir au début du mois de mai 1940. Jamais il n'y a eu autant de francophiles dans un cabinet anglais qu'à ce moment-là. Et il n'y a jamais eu autant d'anglophiles non plus dans un cabinet français. Oui, alors il faut voir que les années 30 ont quand même été des années de tension des deux côtés. Il n'y avait pas que des francophiles d'un côté et que des anglophiles de l'autre. Mais disons qu'avec l'arrivée de Churchill le 10 mai 1940, Churchill, pour parler vulgairement, va faire le ménage et se débarrasse très très vite des grands partisans de l'apaisement et appelle autour de lui, par exemple, quelqu'un comme Anthony Eden, qui est absolument francophile depuis toujours, ou quelqu'un comme Vansittart aux affaires étrangères en tant que plus haut fonctionnaire des affaires étrangères. Mais il faut pas non plus idéaliser, c'est-à-dire que le haut commandement britannique n'est pas particulièrement francophile. Je parle ici de l'état-major, qu'il s'agisse de la marine, qu'il s'agisse de l'armée de terre ou qu'il s'agisse de l'aviation. On peut pas dire que ça soit de chauds partisans de la collaboration militaire avec la France. Antoine Capet, il y a beaucoup de moins de divisions sur place qu'en 1915. en 1940, et de combien d'avions, de bombardements, de reconnaissances, de chasses disposent les Britanniques, et vont-ils d'ailleurs les mettre si facilement au service du commandement français ? Alors là, ça sera un sujet de contestation dès le départ, un sujet de contestation encore aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui des gens qui sont inspirés par la propagande de Vichy. Alors, pour essayer de faire simple et de donner des chiffres ronds qui sont plus faciles à se mettre en tête, Churchill, dans ses mémoires, et c'est tout à fait exact, dit que, bah, tout simplement, du point de vue terrestre, sur le front franco-belge, les Britanniques étaient à 1 contre 10 français, c'est-à-dire que pour une division britannique, vous aviez 10 divisions françaises. Il estime à 10 divisions, c'est-à-dire 9 plus une blindée qu'il était encore en Grande-Bretagne d'ailleurs au 10 mai, 10 au total pour côté britannique contre 100 en France entre Bâle et Dunkerque, sans compter les Françaises qui étaient en bas pour essayer de contenir l'Italie au cas où. Voilà, donc ça... le chiffre à retenir, c'est 1 à 10, ou 10 contre 1, comme on veut. Oh bah, 1 à 10, on va dire qu'ils sont alliés quand même. Ils sont alliés, mais je veux dire par là que 10, les forces en balance, lorsque il y a des discussions d'état-major, c'est évident que si vous avez seulement un dixième des forces, eh bien, vous ne faites pas le poids. Alors, le 10 mai, c'est l'offensive allemande. Je vous propose d'écouter un son d'un officier de liaison qui s'appelle Pierre Julitte. Alors, vous allez me dire que ces propos tiennent du cliché, mais voici comment il décrit le comportement de ses camarades, il emploie le mot, britanniques, au moment de l'offensive allemande. Mes camarades britanniques avaient apporté avec eux tout ce dont ils pensaient avoir besoin pour une guerre réputée fraîche et joyeuse, c'est-à-dire leurs raquettes, leurs clubs de golf, et pour certains, ils avaient apporté leur argenterie, leur service de table, et s'engageaient dans cette aventure avec beaucoup de cœur et de légèreté à la fois. Ça a été un véritable massacre qui, d'ailleurs, n'a pas du tout ralenti l'élan des Britanniques qui se sont montrés au cas particulier d'un courage à toute épreuve et en dépit de la très désagréable surprise que leur avaient réservé les événements, ont poursuivi leur avance comme si de rien n'était et laissant sur le terrain des quantités de chars perforés de part en part par les obus anti-chars allemands et incendiés pour beaucoup d'entre eux. Ça, c'est le lieutenant Julitte. Mais du côté du commandement français, on dit qu'à Arras, par exemple, les Britanniques n'ont pas été assez offensifs. Néanmoins, dans les jours de la fin du mois de mai, pour échapper à l'enveloppement en Belgique, les troupes alliées, dont les Britanniques, se replient sur la mer et se retrouvent prises dans un piège à Dunkerque. Les Britanniques disent... La bataille va durer 2 jours, on va sauver le maximum. Ils vont réussir à faire durer la bataille pendant 1 semaine et à sauver beaucoup plus d'hommes anglais mais aussi français que prévu, Antoine Capet. Ah oui, alors ça c'est absolument vrai. Les premiers jours, Churchill se dit, et le dit publiquement, enfin publiquement non, on le dit devant ses ministres, si nous réussissons à évacuer 50 000 soldats, nous aurons de la chance. Et au bout du compte, lorsque l'évacuation se termine le 3 juin, il y en a 338 000, 200 000 Britanniques, 120 000 Français, et puis le reste étant composé de Belges et de différentes autres nationalités. Donc 200 000 Britanniques, 120 000 Français sur un total de 338 000. 338 000, évidemment, c'est un chiffre considérable et qu'on n'osait pas espérer. Alors Churchill aura 2 mots qui sont restés historiques, premièrement en disant que il s'agit du miracle de Dunkerque, d'accord, mais deuxième mot également historique qu'il prononce devant tous les Britanniques en disant « mais la guerre ne se gagne pas par des évacuations ». Historique aussi ce discours qui a eu lieu le lendemain de la fin de l'opération de Dunkerque, le 4 juin 1940, c'est la date anniversaire aujourd'hui, à des grands discours de guerre du Premier ministre. We shall go on to the end. Nous marcherons jusqu'à la fin. We shall fight in France. Nous nous battrons en France. We shall fight on the seas and oceans. Nous nous battrons sur les mers et les océans. We shall fight With growing confidence and growing strength in the air. Nous nous battrons dans les airs avec une force et une confiance croissantes. We shall defend our island, whatever the cost may be. Nous défendrons notre île, quel que soit le prix. We shall fight on the beaches. Nous nous battrons sur les plages. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields. Nous nous battrons sur les aérodromes. And in the streets. We shall fight in the hills. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les collines. We shall never surrender. Nous ne nous rendrons jamais. Nombreux, Antoine Capet, sont encore nos contemporains qui se souviennent par cœur de ce discours. Oui, alors, c'est un discours qui a évidemment marqué, si je puis dire. Il y a trois grands discours en mai-juin 1940. Le premier, ultra célèbre lui aussi, le 13 mai, qu'on appelle le discours d'investiture, c'est le fameux discours où il parle du sang et des larmes. Le deuxième, c'est celui dont vous venez de parler, celui du 4 juin, celui d'aujourd'hui, nous ne nous rendrons jamais. Et le troisième, ça sera celui du 18 juin, parce qu'il y a eu deux grands discours le 18 juin, celui du général de Gaulle, mais aussi celui de Churchill, qui est peut-être encore plus connu en Angleterre que les deux autres. C'est celui où il dit, ils diront, ce fut là leur plus belle heure. Si jamais nous survivons, et ce dont je ne doute pas, dit Churchill, dans 1000 ans, ils diront encore, ce fut là leur plus belle heure. Donc on a les trois discours, aujourd'hui on a le discours central, celui du 4 juin, qui évidemment galvanise les populations. Nous ne nous rendrons jamais, c'est extrêmement c'est mobilisateur évidemment, et il faut se rappeler quelle est la situation de l'autre côté de la Manche ce jour-là, le 4 juin. Mais c'est un pari qu'il fait, il estime les chances de sortie pour l'Angleterre, à quel pourcentage là au début du mois de juin? 50-50? Alors, 50-50 ça dépend ce que vous en dites par la sortie, c'est-à-dire la victoire finale, la victoire au bout du compte, 100%. Il le dit d'ailleurs dans son discours du 13 mai, vous me demandez quels sont nos objectifs, nous n'avons qu'un objectif, la victoire. Et pendant toute la guerre, il dira la victoire, la victoire. Le problème, si vous voulez, au mois de mai et le 4 juin, puisque nous sommes le 4 juin, c'est qu'on ne voit pas très bien comment on va obtenir la victoire. La première étape d'obtenir la victoire, c'est d'abord de ne pas être vaincu. Donc il faut résister dans l'île, ce qu'on appellera la forteresse. Les perspectives victoire, comment gagner contre l'Allemagne, comment passer à l'offensive, ça reste extrêmement vague. Mais il pense quand même, Antoine Capet, à l'appui des Américains qui un jour viendra, vous le décrivez, courtisant comme un chevalier du Moyen-Âge, ça le dulciné, courtisant le président Roosevelt, et puis il est persuadé que Staline va changer de camp, il lui écrit même directement plus d'une fois pendant cette période. Oui, absolument. Il s'abstient de tout commentaire anticommuniste, alors que c'était un très grand spécialiste des commentaires anti-bolcheviques, comme on disait à l'époque. Et pour le président Roosevelt, et d'ailleurs, lorsqu'il dit « nous ne nous rendrons jamais », et après qu'il dit « ce fut là leur plus belle heure », il dit d'ailleurs « si, comme je n'ose pas le croire, nous devions succomber, le nouveau monde viendrait à la rescousse du vieux monde », c'est-à-dire qu'il compte dès le mois de mai-juin 1940 sur une venue très hypothétique des troupes américaines. Ça se fera seulement, évidemment, quasiment 18 mois plus tard. Alors revenons au 4 juin, la bataille de France n'est pas encore perdue. Churchill propose d'ailleurs que dans les troupes réembarquées, des Français reviennent en France et que des Anglais reviennent sur le front français. On les appellera les Tommies, comme en 1914. Ceci, petit retour en arrière, c'est une chanson interprétée par Léo Marjane, qui sera la grande vedette de l'occupation. Chanson choisie par Martin Penney. Elle date du moment des grandes campagnes de propagande sur l'unité franco-britannique. Le 11 novembre 1939 avait été célébré sous cette égide. Bonjour, bonjour, Tommy. Reviens donc en France, nous voici réunis. Après 20 ans d'absence, tu vas revoir ici de vieilles connaissances, toute la France. Et bonjour Tommy et bonne chance, tu portes toujours ton uniforme bien sanglé et toujours ton stick, c'est vraiment chic, le chic anglais. Ta main est toujours prête à donner des cigarettes. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, tout autour de Piccadilly? Comment va le roi et comment va ta petite Daisy? Nous voudrions leur dire merci de t'avoir laissé venir. Bonjour, bonjour Tommy, reviens donc en France. Nous voici réunis après 20 ans d'absence. Tu vas revoir ici de vieilles connaissances. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Nous parlons aujourd'hui avec Antoine Capet, auteur entre autres d'un grand dictionnaire Churchill chez Perrin, du rapport entre les Anglais et les Français au début du mois de juin 1940, au moment précis où Winston Churchill dit qu'il tiendra bon à Paris. Le vice-président du conseil de Paul Reynaud, le maréchal Pétain, déclare en privé à l'ambassadeur américain « Les Anglais ont refusé d'envoyer leurs avions pour nous appuyer. Ils n'ont qu'une division en France, on ne peut pas compter sur eux. » Et le colonel de Villelume, le conseiller militaire de Paul Reynaud, « Churchill est un saltimbanque. Il faut être grossier avec les Anglais, sinon ils ne comprennent pas. Il faut les insulter. Les gens qui les connaissent vous le diront. » Alors. Quand est-ce que ça vient, ces avions, demandent les membres du gouvernement français. Paul Reynaud lui-même devient un peu agressif sur ce thème. Antoine Capet. Oui, alors Churchill en parle parfaitement dans ses mémoires. En fait, Churchill écoute les conseils du chef d'état-major de l'aviation britannique, qui juge qu'il y a un minimum incompressible d'avions à conserver en Grande-Bretagne. On parle ici d'avions de chasse, c'est-à-dire des avions qui détruisent les autres avions. Le minimum incompressible, c'est 25 escadrilles. Il y a 12 avions par escadrille, c'est-à-dire 300 avions de chasse. Il faut absolument conserver 300 avions de chasse intacts en Grande-Bretagne au cas où la France tombe et où l'Allemagne lance une offensive aérienne contre la Grande-Bretagne. Alors, cela étant posé, Churchill donne des chiffres qui sont absolument exacts, à savoir que plus de 1000 avions britanniques ont été perdus en France au 4 juin, donc aujourd'hui. Plus de 1000 étaient déjà tombés, et tous les jours, il a fait en sorte qu'il en reste 12 escadrilles, 144. Et au 17 juin, quand enfin on arrête les combats, il y a toujours 144 avions britanniques en France. La raison étant que on ne pouvait pas en mettre plus sans mettre en péril ensuite la défense de la Grande-Bretagne. Donc évidemment, vous avez deux logiques qui s'opposent. Vous avez la logique de la défense de la Grande-Bretagne. J'ai parlé de la forteresse tout à l'heure. On y pense en fait dès les premières défaites après la percée de Sedan. Il va falloir absolument tenir, on l'a dit tout à l'heure. Voilà l'excuse au sens propre du terme britannique, et Churchill en fait essaye de convaincre son état-major de l'aviation de lâcher, si je puis dire, d'autres avions, et il reste absolument inflexible, et Churchill se rend à leur raison. Le 4 juin, Antoine Capet, c'est la bataille de la Somme. Le front est très vite crevé. Le général en chef des forces françaises, le général Weygand, reproche aux Anglais d'avoir plié trop tôt. Il ne compte plus sur lui, sur eux, et il pense, lui, à une paix séparée. Déjà, le 26 mai, Paul Reynaud était venu. Bon, Roland de Margerie, son collaborateur, raconte ça très précisément dans son journal. À Londres, et il avait laissé entendre qu'une paix séparée pourrait être possible, mais il laissait entendre ça pour obtenir davantage des Anglais. Quelle va être la position du gouvernement une fois que cette perspective de paix séparée commence à gagner du terrain? Le nouveau sous-secrétaire d'État à la guerre, le général de Gaulle, fait son premier voyage à Londres le 8 juin, ou le 9 juin plus précisément, et il rencontre Winston Churchill à Downing Street, dans la salle du Conseil des ministres. Roland de Margerie décrit la première rencontre, le général de Gaulle est assis, Churchill se promène de long en large avec son cigare, sans doute éteint, et de Gaulle le regarde comme un spectateur d'un match de tennis. Les deux hommes accrochent bien. Oui, c'est presque le coup de foudre, comme on dirait dans des relations amoureuses. Bon, j'exagère bien évidemment, mais chacun reconnaît en l'autre un adversaire féroce des Allemands, et chacun reconnaît dans l'autre quelqu'un qui est l'exact opposé des défaitistes qui sont en train de gangréner le gouvernement français. Donc ces deux anti-défaitistes absolus sont faits pour s'entendre par leur idéologie. Et alors, évidemment, pour les questions de caractère, là, ce sera une autre histoire, on ne peut pas en parler aujourd'hui, il y aura des orages terribles, comme vous le savez. On va prendre quand même un peu d'avance et évoquer les dernières participations de Churchill à des réunions communes à Briare le 11 juin, le gouvernement français vient de quitter Paris, et à Tours, à la préfecture, le 13 juin. À Briare, les voitures automobiles des dirigeants français et anglais sont cachées sous les grands arbres du parc. Au dîner, Churchill tient à avoir à ses côtés le général de Gaulle, et pendant que Weygand lui explique que la paix séparée est inévitable, pendant que le maréchal Pétain dit que la situation n'est pas du tout comparable à mars 1918 où on avait des réserves pour faire une contre-attaque, Churchill lui conclut « La France abandonnera peut-être, mais nous, nous continuerons ». Oui, bah absolument, et c'est le moment également où il dit de Gaulle « l'homme du destin » en français, en le regardant. Donc, il faut bien voir quand même que vous avez parlé d'un réembarquement d'un deuxième corps expéditionnaire britannique qui avait eu lieu en effet le 7 juin, mais le 12 juin, donc en plein, dans la deuxième journée de ces entrevues, on apprend qu'il a fallu l'évacuer par Saint-Valery, et on n'a pas réussi. Et un nombre de prisonniers considérable chute. Et donc c'est des mauvaises nouvelles, si vous voulez, qui s'accumulent à la fois pour les Britanniques et pour les Français. À tel point qu'au soir du 12, Paul Reynaud demande à Churchill, qui était revenu en Angleterre, de revenir à Paris, de revenir en France, pardon. À Tours. Et ça sera leur dernière entrevue, celle de Tours, voilà. Alors, très dramatique, parce que Paul Reynaud annonce officiellement à Churchill que la veille, le général Weygand, donc chef d'état-major interarmé, a prié le gouvernement français de demander l'armistice. Évidemment, c'est une rupture de cette idée de ne jamais demander une paix séparée. Donc c'est dès le 13 juin au soir que Churchill en est officiellement informé. Mais la dernière nuit qu'il passe en France, Marjorie le raconte, il dort bien, hein, et on lui a mis une bouteille de cognac sur sa table de nuit qu'on a retrouvée vide au petit matin. Il arrive à construire son personnage pour que des anecdotes ainsi servent le portrait qu'on fait de lui. Oui, alors c'est quelqu'un, comme vous le savez, qu'on ne voyait jamais sans un cigare, mais on a dit après, il rallumait son cigare quand il descendait de voiture pour les photographes, de même que le verre de whisky ou le verre de cognac. Il le buvait à très très petite gorgée, et dans le whisky il mettait une très grande quantité d'eau, mais c'est pareil, il aimait être vu, et il aimait être mis en scène, et il se mettait en scène lui-même. Il faut penser à tous ses costumes, tous ses chapeaux, tous ses uniformes. C'est quelqu'un d'extraverti, et il veut impressionner les Français à la fois par sa force de persuasion intellectuelle, mais également pour quelqu'un qui montre un optimisme indéboulonnable. Et devant les Français, il aura toujours, toujours cet allant qui paraît invraisemblable à quelqu'un comme Pétain qui n'y comprend rien, ni à Weygand qui n'y comprend rien non plus. Les Anglais font donner, c'est la dernière charge, le 15 juin, la reine, celle qu'on connaîtra après sous le surnom de Mommy la femme, de George VI, qui lance un appel à la radio française aux femmes de France. Nous nous inclinons devant les chefs et les soldats de l'armée française qui se battent avec une ardeur et une ténacité qui n'ont jamais été égalées dans l'histoire. Mais nous pensons aussi aux femmes françaises qui suivent avec angoisse le déroulement de cette lutte immense. Nous savons qu'elles ont subi sans plaindre la perte de leurs biens, la destruction de leur foyer, l'invasion et le bombardement. C'est à ces femmes que je veux dire, en ce jour pour le roi, très simplement, que leurs malheurs sont nos malheurs. J'aimerais que vous insistiez pour finir, Antoine Capet, sur cette phrase sur laquelle on a achevé cette retransmission de la reine Elisabeth. Vos malheurs sont nos malheurs. Vos malheurs sont nos malheurs. Nous sommes unis. Il faut savoir que, bien sûr, le vocabulaire n'est pas tel. C'est André Mauroy qui a écrit le discours et c'est André Mauroy qui l'a guidé pour la prononciation. Donc, évidemment, elle sait quand même ce qu'elle dit. Elle a suffisamment de connaissances du français. Mais bref, c'est assez intéressant de savoir que, en fait, c'est André Mauroy qui parle à travers la bouche de la reine Elisabeth Mère. Mais vos malheurs sont nos malheurs, ça prédit peut-être la dernière carte que va jouer Churchill, on en parlera la semaine prochaine. Il va même offrir l'union des deux pays. L'union des deux pays. Oui, alors nos malheurs, bien évidemment, c'est toujours l'idée que les deux pays sont indissociables et que la paix séparée n'a aucun sens. Comme vous le direz la semaine prochaine quand vous parlerez du 16 juin. Oui, on a toute une semaine en effet qui est prévue et puis deux semaines encore, on va mener la description de la tragédie française, du drame de 1940, comme disait le général Beaufre, dont Perrin réédite le livre, et on ira même à la période des pleins pouvoirs de Vichy et jusqu'au début de la France libre, que ne rejoindra pas André Mauroy, comme disait Churchill de lui. On croyait avoir un ami, on avait seulement un client. Merci à vous Antoine Capet, vous étiez donc en ligne depuis le Mont Saint-Aignan. Je rappelle que votre dictionnaire Churchill est publié aux éditions Perrin. L'émission était préparée par Franck Olivard, par Frédéric Martin, par Ilinka Negulesco, Juliette Gou et Audrey Ripouille, réalisation à distance et ici à la Maison de la Radio, parce que nous sommes en direct d'un studio de la Maison de la Radio, LM Couillou Jean et Fabrice Desmas.